إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد طيب عندك أولا comme on a dit aujourd'hui on fait une muraja'a finale inshallah ça courte des points essentiels à retenir du livre et certaines fawaïd bi'idhnillah ta'ala qu'on profite de ce qu'il de son contenu. Il cause de hada al amal bih. Son application, c'est-à-dire à l'avenir, si on amène à trouver des gens qui ont ce genre de shubuhat, ce genre de irtiqat fasid, bi hada tal burhan pour pouvoir le bayyin, l'ira. In kana mimman yastami' wa intasah fa ni'ma wa biha. S'il écoute pour le conseil, c'est une bonne chose. طيب اولا المؤلف ما اسمه الاوتور sans regarder les كتب fermées. كتب fermées. Dis ce que tu as du mu'allif. Wa ma'louf bimada. Sana'ani. Tayyib. Mawa adani. Hein? Hudaydi. Ta'kid min sana'a. Ta'kid. Mawa ta'iz. C'est pas ta'izi. Min sana'a. Tayyib. Sana'aniyun kathir. Les sana'i sont très nombreux. 3 millions. Zid. Mohamed. Mohamed. Ibn. Ibn Ismaël Ismaël Al-Sanani Sanani Al-Sanani Moulakab bi Al-Lakab surnom ce qu'on son lakab Moulakab bi Sanani ma'ruf n'am il y a un autre lakab Al-Emir Al-Emir qu'on a As-aluk awalan dimadha أرسلت الرسل وقصد que les messagers ont été envoyés الدعوة للتوحيد تمام maintenant التوحيد كم أنواع ثلاثة على مشهور trois dans le connu نعم توحيد الأولية الألوهية صفحة 2 ألوهية ربوبية ألوهية واسم وصفات الأوتور إلى نمي أكم يامي أيوة ما هما القصد والطلب والمعرفة لا سي با سا كي لا دي سا سي موا كي جو لي دي سولا أولا جمع ايوه ربوبيه سوا صفات وروحيه واحده اساسا ربيه معرفه وقصد والطلب احسنت من الاصل الاول سيتي كوا على كل ما جاء في القران والسنه هو الحق نعم طول كونتوني القران ولا السنه في حق على باس سيتي كور القران مي شال عباد علق على هذا الى عجته السنه كذلك السنه الصحيحه طبعا Dans la sunna, il y a des choses qui ne sont pas thabita. Et le Coran, il n'y a que de la houda, pas de dalal. Al-aslu al-thani. C'est celui qu'on a cité à l'instant. Que les messagers ont été envoyés pour da'wa al-tawhid. Quel tawhid? Tawhid uluhiyya. Al-uluhiyya. L'adoration. Naam. Ils ont appelé tout leur peuple à adorer Allah seul, subhanahu wa ta'ala. On a pris le asl al-thalith qui est aqsam al-tawhid. Arabi' mahu. Quatrième fondement. Yani, yahtalifun bi-tawhid al-rububiyya. Ils reconnaissent tawhid al-rububiyya qui est Allah, c'est le khaliq, c'est le mumit, c'est le muhi, c'est le razaq. Wa المدبر celui qui contrôle la création et réel zalika. Donc où était le khilaf entre les messagers et leur peuple? C'est juste à joindre entre les réponses comme elles citaient. Où est la divergence entre eux et leurs messagers, les peuples et les messagers? Ils reconnaissaient la création. Voilà. Au niveau de l'adoration, ils refusaient. C'est là qu'il y avait un khalal. Ils refusaient d'unifier Allah dans l'ibada. فأجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الخامس الأصل الخامس سكين فضمه لا بس السؤال دقيق أن أصل العبادة وأساسها ما هو التوحيد لا بس تدوراسيون سل التوحيد celui auquel les messagers ont appelé. Et c'est quoi le sens de la ilaha illallah? عند ابي عمر ما معنى لا اله الا الله بالعربيه هذه لابد ان يعرب. طيب عندك لا نعبد بحق الا الله. ايوه هذه ضروري ان تحفظها. هذا من أهم ما يكون. لا معبود بحق إلا الله. Nulle divinité digne d'être adorée en réalité, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de la prononcer suffit ? Voilà. D'ailleurs, les mushrikoun, pourquoi n'ont-ils pas voulu la prononcer ? La shahada, kalimat al-tawhid. On la prononcerait, il est obligé de s'engager. Ah ouais, parce qu'ils avaient qui connaissaient parfaitement le sens. Le sens. Ah ouais. Ils avaient des gens qui avaient une éthique malgré tout. Ils se disent, si je le prononce, ça inclut des choses, des actes. Et je ne veux pas faire ces actes à la base. Ils ne voulaient pas eux. Al-ibada, elle est de quatre catégories. Nam i'tiqadiyya, croyance. Lafziya, parole. Geste. Badaniya, gestuel, corporel. Maliya, matériel. Hat mithal minel i'tiqadiyya. Un exemple. Une adoration qui est dans le cœur. Et tawakkul, arsant. Une qui est qawliya, verbale. نعم دعاء فدي بونسا دعاء بدنيه كورporel الصلاه ماليه الحج نعم on a dit certaines peuvent être dispersées dans différentes catégories. Pourquoi est-ce que les mushrikoun لماذا لم تنفعهم عبادتهم الأخرى car ils avaient des actes d'adoration qu'ils faisaient. Pourquoi ces actes d'adoration ne leur ont servi à rien du tout? Ils faisaient des choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mushrikoun. Pourquoi cela ne leur servait à rien du tout? Car ils faisaient du shirk. Le shirk akbar et le shirk annule toutes les œuvres. Donc il ne sert à rien du tout. Et est-ce que le shirk qu'ils faisaient à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'ils égalisaient avec Allah de façon égale? Est-ce qu'ils rendaient leur shuraka misl Allah? C'est que le fait qu'on dise que tu égalises avec Allah, même si tu fais 9 choses pour Allah et une pour autre que lui, ça rentre dans le taswiya. Même 9,5 et 0,5 pour autre que Allah, de façon imagée, ce 0,5 te coûtera quand même la suppression des 9,5 que tu as fait auparavant. Donc fais attention au chir, très dangereux. Très très dangereux. Vous avez pris Aqsam al-Dua. Aqsam al-Dua. C'est quoi les catégories de Dua? Dua al-Ibada. Wa. Là. Là, c'est pas ça. Là, ça c'est le tafsil. Moi je veux le nom de cette catégorie. Dua ibada yatakun illa mutlaqan. Elle est que pour Allah seulement, il n'y a pas de tafsil. Dua ibada comme la salat, comme le hajj, des ibadas dans lesquels tu demandes à Allah des choses. Maintenant il y a l'autre dua, c'est quoi? Dans lequel dans celui-là il y a un tafsil. Là. Yani qarib. T'es proche, mais c'est pas comme ça qu'on l'a appelé. Là, ça rentre dedans. Al-Aam. Dua al-Mas'ala. Talab, c'est proche. Dua de la demande. Et celui-là, Dua al-Mas'ala, fihi ma yakunu lillahi faqat wa ma yakunu li ghayrihi fi ma yakdiru alayhi. C'est là qu'on a dit qu'il y a un taqsim, même que tu peux faire dua pour autre que Allah dans des choses, que celui que tu appelles, quand tu attends quelque chose, soit présent et en mesure d'accomplir cette chose-là. Sinon, les choses qui ne reviennent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk. Les gens ils disent, nous, on dit la ilaha illallah. Allez, comme ça. On dit la illallah. Comment vous nous comparez? Je parle de ceux qui invoquent les kouburs, qui invoquent les aouliyah ou les alika. Ils disent, nous on dit la ilaha illallah. Comment vous nous comparez avec ces mouchriquins qui eux adoraient l'asnam ba'ashara? Nous on ne fait pas ça. C'est quoi la réponse? Tu dis c'est vrai, mais la réponse c'est pas celle-ci. C'est comme quand l'Abu Omar, qui ne sait pas ça qu'il le nokta qu'on veut. Le nokta qu'on veut là, c'est que man jahada shay'an min ad-din faqad kafar. Celui qui renie une chose de la religion, il mécroit. Même s'il dit la ilaha illallah, ça veut dire que celui qui met par exemple yajhad as-salat. Il dit que ça c'est pas obligatoire ou quoi. Il a mécru. Celui, même s'il l'a fait, même s'il l'a fait, celui qui renie Al-Bahth, la résurrection, il a mécru ainsi de suite. Eux, ils ont renié quoi, eux? Al-Tawhid. A'azam shay. Donc c'est là, on dit, comme ces mouchriquins, ils n'ont pas voulu dire la ilaha illallah pour ce que ça inclut, vous l'avez prononcé, mais vous êtes unis dans quoi? Dans l'application. Vous ne voulez pas invoquer Allah seul. Donc vous êtes pareil qu'eux. Et tout ce que vous faites comme adoration, qui à la base sont légiférées, ne vous servent à rien parce que vous avez renié certaines. Demain, quelqu'un, il vient, même si ce n'est pas le tawhid, il invoque Allah seul, il égorge pour Allah seul. Vous voyez, il croit en la résurrection. Et il vient, on lui dit, donne la zakat. Il dit là, c'est pas wajib. Je ne suis pas obligé. C'est quoi son jugement à lui? Murtad, kafir. Donc vous, quand vous dites d'invoquer que Allah et d'arrêter ce que vous faites pareil. Vous dites non, on peut les invoquer. On peut le faire. Car eux, ils ont kaza et kaza et kaza. Donc vous avez renié le tawhid, qui est encore plus grand que le reste des autres actes. Car il est la base de tous les actes. De tous les actes. Non. Également, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Anna al-munafiqin. Si tu dis Anna, Tayyib, il va être mansou. Non, ça c'est plus subtil. C'est-à-dire, je ne suis pas mounafiq, moi, il va te dire. C'est-à-dire, moi, je crois en Allah, en son messager, dans mon cœur. Mon affaire, qu'il ne croit pas. Ce que je dis, c'est vrai. Mais. Hein? Allez, ouais. Lakin, tu lui dis, comme on l'a expliqué, que là, il a illallah, ça implique des choses. Et ces choses-là, que tu es opposé. Combien ont dit la ilaha illallah et pourtant ils ont été combattus. Minhum man qui a dit la ilaha illallah, ça ne savait rien. Et ils savent le sens de la ilaha illallah tamaman. Qui? Les Yahoud. Pourquoi? C'est quoi le khalal des Yahoud? Ouraira. Ils ont renié des messagers. Aman kathalik. Qui a dit la ilaha illallah? Et pourtant, les sahabas, ils ont combattu, ils ont tué Riddan. Ou Riddatan. Manhum. C'est pas lui que je vise pour l'instant. La question. Allah Sahir. Et là, pour l'instant, c'est pas lui que je vise. Les sahabas ont combattu des gens. Quand même. Des gens particuliers qui disaient la ilaha illallah, qui faisaient la salat. Et qui n'invoquaient que Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être même fait le djihad. Mais il était où le khalal? Là, c'est pas eux. C'est pas eux. Eux, ils rentrent dedans, mais c'est pas eux que je vis dans la question. Banu Hanifa, qui ont dit que Mousselema, c'est un nabi. Les Sahaba, ils ont combattu. Et ils sont morts sur un ridda. Il y a les khawarij qui disaient la ilallah. Maintenant, après, il y a un khilaf entre les ulama, est-ce que c'est les kuffars ou pas? Vous voyez? Quoi qu'il en soit, il y a ijma qu'il faut les combattre. Après, est-ce qu'ils meurent en étant des murtaddin ou des mukhalifin? C'est autre chose. Mais Ali, radiallahu anhu, les a combattus en tant que mukhalifin, pas en tant que murtaddin. Quand il n'a pas pris leur bien, il n'a pas assouvi leur famille, pris leurs enfants et leurs femmes comme esclaves. Comme c'est le cas des mouchidikoun, lorsqu'ils sont combattus. Des gens, ils disent, comment tu dis que je suis un mouchidik? Moi, je fais salat, je ne fais pas pour les ansnam. Moi, je fais la zakat, je ne fais pas pour les ansnam. Moi, je jeûne, c'est pour Allah. Comment tu dis que je suis un mouchidik? Je fais le hajj pour Allah. C'est encore vague. On n'a pas parlé du zabh pour l'instant là. Ce que tu dis c'est vrai, mais c'est pas ça que l'auteur a mis les choses dans un tartib. Là je pose des questions mais dans le tartib. Donc tu lui dis quoi celui-là? Tu lui dis tout simplement celui qui invoque les koubours, celui. Oh, ouais. Là on parle de gens qui font le shirk. Tu lui dis Tayyib. C'est que tu n'as pas compris, c'est-à-dire quoi l'ibada. Ça, ce sont certaines ibadas, pas toutes. C'est-à-dire tu ignores marna et shirk. Tu fais les salat lillah, tamam. Tu fais le hajj lillah, tamam. Tu fais le siyam lillah, tamam. Mais d'autres ibadas qui sont pour Allah, tu les fais pour que lui. Donc ce n'est pas, parce que pour eux, le fait que tu dises la ilaha illallah et que tu fais salat, tu fais les arkan. Pour eux, khalas, t'es musulman. On dit non. Ça suffit pas des fois. À la base, ça suffit. Mais dans des cas, ça ne suffira pas. Si tu vas faire du shirk, ça ne va pas te suffire. Ça ne servira même à rien. Donc vous faites d'autres ibadas, donc vous allez dire, vous n'avez pas compris c'est quoi la ibada. Et maintenant, qui va nous dire c'est quoi la ibada? La ibada? Maïa la ibada? C'est quoi la définition de la ibada? Bah oui, c'est. Autour du monde, c'est quoi l'adoration? Uniquement lié qui peut louer ou quelque chose. Voilà, uniquement. Adorer. Le ta'alif de l'ibada, c'est la définition de l'ibada, c'est quoi? Non, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime comme acte et parole et que cela tout cela soit ou comme les actes qui soient cachés ou apparents يصير عبادة. إن عبادة توتة تتمدي كولا ما طاردو دي خلاص ماش فايد العبادة. إن عبادة فتبغوتك الله سعس في عبادة من جوتك الله يلم Je vais pour que lui, ça s'appelle un ibadah aussi. Mais seulement, ça ne sera pas à sa place. Ça s'appelle un ibadah. Alors que toi, on dirait que dans ta définition, une chose que je fais pour Allah. Tout ce qu'on fait pour autre que Allah, ce n'est pas un ibadah alors. Donc, il n'y a plus de shirk. Toi, tu as défini une ibadah mukhlissa. Nous, on a dit l'ibadah de façon générale, c'est quoi? Comme ça, on arrive à cerner la chose. Maintenant, ces gens-là, qui ont grandi dans une contrée éloignée et chez eux il y a toujours du shirk depuis qu'ils sont petits. Depuis qu'ils sont petits ils invoquent le wali fulani, peut-être même qu'ils vont voir les sahara, ils vont faire doua li ghilillah wa kaza wa kaza wa kaza, et il se dit muslim, il dit la ilaha illallah. Le jour où tu le vois faire ce shirk là, tu le kafar? Non. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, pour lui expliquer, pour qu'il comprenne. Pour ensuite, s'il continue à nier et à rester sur ce tarif, là, on peut dire. Après que je m'en dis, elle ouzre bil jahl. Excusez par son ignorance. Est-ce que c'est dans l'absolu? Tout ignorant est excusé? Non, c'est là qu'elle a le droit de chercher. Celui, maintenant, quand tu as d'islam, il y a une da'wa, il y a des ulama. Il comprend l'arabe, le Coran il est là, lui il n'est pas excusé. Il y a des choses aussi pareil, si tu les fais comme l'istizabiddin, tu n'es pas excusé. Les ibadah tu vas les faire quand même, ma'roufa min bab al-daroura, tu n'es pas excusé. Quelqu'un y va, maintenant on revient à toi, il prend une bête, il va voir le kobr. Et il l'égorge. Je lui dis, il y a un shirk. Il dit là. Je dis, pourquoi? Pour qui t'as égorgé? Il va dire, pour Allah. Qu'est-ce que tu lui réponds? Comme je disais tout à l'heure, pourquoi tu. Là, t'as vu une bêtise. Il y a de la machaka, tu vois, juste pas vrai. Ouais, ouais. Pourquoi as-tu pris cette bête? Tu t'es fatigué. Ouais, ouais. Attends, elle a traîné jusque vers le cobre. Et de l'égorger là-bas, alors tu peux le faire chez toi, dans ta cour, tranquille, ou dans un lieu, tranquille. Tu es parti jusque là-bas pour le faire. C'est dans ton cœur, il y a un tarzim pour ça, le coble. Ce tarzim, lui, te coûte une croyance qui est fasida, qui est shirkiya. Car même on dit qu'il dit, j'ai égorgé pour Allah, il est pour croyance que j'ai égorgé pour Allah. En ce lieu, il y a une baraka, quelque chose que Allah n'a pas mis. Voilà, c'est encore un autre bête du shirk. Et quelqu'un qui jure pas autre que Allah, c'est quoi le choix? Il y a deux. S'il jure avec la. Pour autre, avec la croyance que la personne sur le. Est plus. Enfin, il est pour autre qu'Allah, c'est un coup. Là, tu m'as répété ma question. Celui qui jure pour autre qu'Allah. Tu es revenu sur la question. Tu dis il y a deux, Fayyib. Après, tu es revenu sur la question. Donc, c'est quoi les deux? C'est quoi un? C'est quoi l'autre? Si tu jures pour autre qu'Allah. Aïe, ouais. Et qu'au fond de. C'est pas wadih. Cette question n'est pas wadih. Il y a deux. Il y a deux, non. Un qui. Il y a un tafsir. Il y en a un, c'est le kufr akbar, et l'autre il est asrar. Quand est-ce qu'il est asrar et quand est-ce qu'il est akbar? C'est ça la question. Quand il y a akbar? À quel moment il est akbar? Quand tu es pour autre que Allah. C'est ça la question. Quelqu'un il a juré pour autre que Allah. Khalas, il l'a fait. Il l'a dit, bi'isa. Ou il dit, il jure par sa mère. Khalas, il l'a dit. Maintenant, c'est quoi son jugement, celui-là? Il l'a fait, ça y est. C'est ça la question. C'est lui qui a fait jurer pour autre que Allah. C'est quoi le jugement qui s'apporte à cet acte? Ala wa su'ala. Et t'as commencé et après je sais pas, tu es parti en arrière. T'as parlé de Niyya, t'as ouvert une bonne porte. Après je sais pas. Si tu as la Niyya. Quelle Niyya? La Niyya de jurer. il a la niyya de jurer, il l'a fait. Il est conscient, il n'est pas ivre, il n'est pas fou, il a juré par autre que Allah. Donc tu as le bon début, après c'est un moment, tu as un khalal, c'est un moment, ça bloque. Tu n'as pas le mot qu'il faut. La niyya, na'am, après il faut rajouter. Ça en fait, si celui pour qui tu jures, tu as un ta'azim, tu jures pour lui que ta'azim de cette chose-là pour laquelle tu jures, c'est le kufr akbar. Maintenant, tu as juré volontairement, c'est pas sorti comme ça forcément, mais tu as juré comme le frère l'a expliqué, c'est sorti de ta bouche, ce que tu as l'habitude de le dire, et tu n'as pas de croyance de ta'azim pour celui pour qui tu jures, c'est le sheikh Asraf. Donc ça revient bien à la niya comme tu as dit. Mais t'en as un, c'est il a un ta'azim, il magnifie la chose pour laquelle il jure. Il la met, hein, pour elle, c'est une chose, il l'égalise avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'autre, il jure, il se rend compte qu'il a juré, mais dans son cœur, il ne donne pas de valeur. C'est une phrase sur sa bouche comme ça, il se rend compte de ce qu'il dit, mais il n'a pas d'irtiqad par rapport à la chose pour laquelle il jure. Elle marchouf bi. Donc tu avais commencé, mais à la fin, tu es revenu sur la question en fait. Avant. Des gens disent, Yom al-Qiyama, les gens vont faire l'istiafa auprès des anbiya. Donc l'istiafa bil makhlouk, birilillah, jahiz. Qu'est-ce que tu lui réponds? نعم وكذلك سن شفاعة aussi كذلك pour le rat c'est aussi une شفاعة نعم une شفاعة et même si c'est une شفاعة elle est يجوز même نعم comme tu as dit l'istiafa à la base on n'a pas renié mutlaqan on dit qu'il y a un tafsil si jamais tu fais istiafa une chose qui est en mesure de pouvoir accomplir cette istiafa يجوز لك ces gens là sont partis voir les NBA pour avoir une chose en mesure de faire simplement ils n'ont pas voulu la faire. Et en vrai, c'est pas stirafa, c'est une chafara qu'ils ont demandé. Alors qu'eux, ils font stirafa avec malak diru alayhi l'Allah. Ça me rappelle un truc que j'ai oublié de dire du livre. Ces gens-là, ils disent, nous, on n'adore pas les gens qu'on invoque. On les adore pas. On adore que Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc comment vous dites qu'on est des mouchidekoun? Il dit, j'invoque le wali foulen, c'est vrai. Je lui demande des choses pour qu'il me rapproche d'Allah. Mon but, c'est d'arriver à Allah. Comment tu dis que je fais du shirk? Il reconnaît que ce qu'il fait, mais pour lui, il dit non, c'est pas du shirk. Parce que mon but, c'est d'être rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il dit je veux la shafa'a. Je veux la shafa'a, yom al-qiyama. L'intercession. Qu'est-ce que tu lui réponds? Tout dépend de la personne qui l'a vendu comme intercesseur. Là, on a dit c'est des gens qui sont morts. Des kubours. Ou ce qu'ils considèrent comme étant un wali. Un mort, il ne peut rien faire. Il est mort. Même le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas, ça ne revient pas à qui tu... Là, on n'est pas en train de demander de parler des choses de la Shafa'a. On te dit, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que tu leur réponds? Toi, tu as une réponse d'une autre question. Ah, mais maintenant, qui a dit, je demande la Shafa'a à Foulen? Il n'y a qu'une personne qui peut la... C'est Minallah. Ah oui, c'est pas une personne. Non, Minallah. Ah oui, il y a Minallah. Taïb. Ou kadhalik. Si c'est une personne que tu lui demandes quelque chose que c'est d'après de Allah, c'est associé. Tu te mets à la place. En fait, toi, ce que tu veux dire par là, c'est que ta demande en soi est une demande qui ne revient pas à cette créature. Tu demandes une chose qui n'est pas en mesure de faire. Même si tu te rapproches d'Allah, tu demandes une chose qui n'est pas en mesure de faire. Et le zorah. Aïwa. Et voilà. Et ce que tu fais là, c'est le haq d'Allah. ton invocation, même si pour toi tu te dis je ne l'invoque pas, je ne l'adore pas, je m'approche d'Allah, ce que tu fais là, c'est une chose que Allah a dit qu'elle ne revient qu'à lui. Toi tu la places autre que lui, tu as fait du shirk. Même si ta niya, c'est te rapprocher d'Allah, tu t'es rapproché de lui par la chose qui t'éloigne le plus de lui. Par le shirk. Donc tu lui dis, tu veux te rapprocher d'Allah, délaisse ça. Et si tu l'invoques, tu invoques Allah directement. Ou de l'onia stajib lakum. Ou de salaka ibadi anni fa ni korib. Ou jibu ta da'wa ta da'i zi da'an. Restajibouli, wa l'ubinoubi, wa alaoum yarshudoun. Est-ce que la ilaha illallah te t'épargne mutlaqan? Rends tes biens et ta vie préservée mutlaqan. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, umirtu nu qatila nas, hatta yashhadu la ilaha illallah. فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم زيد إلا بحقها sauf dans son droit. Il y a des choses qui ne te préservent pas. Des fois tu peux être exécuté riddatan et des fois haddan. Tu n'as pas un kafir, mais tu as fait des choses qui amènent à ce que tu exécutes malgré tout, que tu dises la ilallah. Nous on parle maintenant de celui qui est exécuté riddatan. C'est quoi qui peut annuler la ilaha illallah? Simplement. Qui peut annuler la ilaha illallah? Qu'il prononce. Simplement. Shirk. Shirk. Ah. Ou le. Qui là, c'est ce que je disais. Ça, c'est celui qui se fait tuer. Ah. Haddan. Ah. Sentence. Mais il ne meurt pas à kafir. Ou lui. Rajal al-Ajam. Comme tu l'as expliqué, Ali, radiallahu anhu. Il a tué les ashabs de Abdullah ibn Sabah qui disaient la ilaha illallah. À quel moment, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? C'était quoi le khalal chez ces gens-là? Les ashabs de Abdullah ibn Sabah? Ils avaient du rouleau sur lui. Pourquoi il les a brûlés, Ali? Ils avaient du rouleau sur lui. Car ils ont donné le statut de la divinité. C'était le début de. Tashayyu. J'avais une autre question, j'ai oublié. Le shirk des mouchrikoun, les premiers, était moins grave que celui des derniers. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre les anciens et les nouveaux? Que les premiers étaient mouchriks du shirk dans l'aisance et dans la difficulté, ils imploraient Allah seul. Et les nouveaux, eux, se shirk tout le temps. Difficulté ou aisance? D'une part. D'autre part, il y a quoi également comme différence entre les nouveaux et les anciens? Il y a ça et il y a autre chose. C'est même cité dans Kawad Arba'a. Ça vient de le dire. Il y a autre chose encore. Que les premiers invoqués de Asnam, des hommes pieux, des anges, des NBA. Les nouveaux, ils invoquent des pervers. Ils invoquent des khubatha, des aouliyah qui se sont dans un jeu qui n'aiment même pas salat. Vous voyez, c'est quand même des choses, des turpitudes énormes. Les premiers ne faisaient pas ça. Ils invoquaient des gens qui étaient à la base pieux. Adam il est furuk bainahum. Maintenant, on arrive à la fin. Il y en a, ils vont dire un tel, une fois que je suis arrivé près de tel arbre, ma falaine, ou tel cobre, j'ai invoqué, il m'a répondu, et juste ce que je voulais. Je suis parti le voir, ma falaine, j'ai fait le dua, que ma femme a tombé enceinte, car elle était, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Hakir. Stérile. Donc je lui ai dit qu'il veut, je veux des enfants. En premier lieu, j'ai entendu une voix de la tour qui m'a dit tu auras ce que tu as demandé, par exemple. Et quelques temps après, ma femme est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'on lui répond à lui? L'intermédiaire d'Iblis Shayatin. Qui peut entrer dans la tombe ou dans autre chose et parler. Ah, là où est Shahid que je veux. Et deuxième, c'est quoi? La prière, c'est pour tester la personne en mettant devant une épreuve, fitna pour lui. Une preuve. أن يبتلى ثم يصحب استدراجا que Allah le prend graduellement. C'est le fitna pour lui. ثم il va te dire mais moi nous n'avons que le wali Fulen, c'est un homme grandiose, un homme immense, les gens l'ont vu marcher sur l'eau, les gens l'ont vu marcher dans les airs, les gens l'ont vu manger du feu, les gens l'ont vu guérir des gens qui était atteint de malade incurable. Donc comment vous dites que c'est un pervers? C'est quoi cet ordre, cette personne-là? C'est un wali. Comment tu lui réponds à lui? Mon djizat. Non. Mais là, je sais que c'est pas mon djizat. Non. Non. Non, c'est un kafir, mais il a mon djizat. Mon djizat, c'est pas un habit. Les habits karamat. Arsène, c'est pas un miracle, car cet homme-là, à la base, c'est un pervers. Ce qu'il a fait, c'est avec les chiatines en fond de cirque. Donc là, on a pris le gros du livre de comprendre le khulasa, que le Coran, c'est le haq, ainsi que la sunna qui est authentique. Que le messager ont envoyé pour appeler au tawhid. On t'a envoyé un peuple qui reconnaissait Allah comme créateur, comme Razak, comme Mouhi, comme Oumid, mais il faisait des actes d'adoration pour autre que pour lui. Donc il refusait de l'unifier dans l'adoration. Et c'est là qu'il y a eu la différence entre eux et les messagers. Donc là, ils ont combattu. Ceux qui sont soumis, alhamdoulilah, sont venus croyants, et les autres ont été combattus. Ils sont morts sur le shirk. Après, des gens aujourd'hui qui s'apparentent à l'islam sont tombés dans les mêmes actes que ces gens-là. La différence, c'est qu'ils le font maintenant avec des choses qui sont d'apparence différentes. Au lieu de prendre des statuettes ou des arbres ou des pierres, ils vont prendre des tombes, des aouliers dans des tombes. Ou ils invoquent des anbiyas. On va les aller cas. Et ils font la même chose. Ils les invoquent pour leur demander la shafa'a ou leur demander des choses que seul Allah est capable d'accomplir. On va les aller cas. Et que leur adoration n'est pas limitée à des choses apparentes comme les arcanes. Elle est plus large que cela. Vous voyez? Donc voilà quoi. Notre souhait, j'ai oublié. Quelqu'un, il vient. Il boit un verre de vin. Et il dit, t'as bu du vin? Il dit non. J'ai bu de l'eau de vie. Est-ce que il n'y a pas de jugement qui s'établit sur lui? Non. Et c'est qui le premier qui a fait cet acte qui a changé les noms des choses pour les embellir? Iblis. Qu'est-ce qu'il a fait? Non. L'arbre interdit, il l'a appelé Shajarat al-Khuld ou al-Mulk. Un arbre de royauté et d'éternité impérissable. C'est un truc important que j'ai oublié de citer. On n'a pas tout dit, mais on a pris des points sur ça dans le livre. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in.